هذا ابنها سيفون سيارتي avec le damir ouais mais هذه سيارتي هذه سيارتك هذه سيارته هذه سيارتها مفتاح هذا هذا هذا مفتاح مفتاحي هذا مفتاحي مفتوح مفتوح مفتاح مفتاح مفتاح تعرف بقى مفتاح هذا مفتاحي vas-y vas-y problème de lecture je l'ai dit à vous faire ouais vas-y vas-y ça vas-y moi je fais pas exprès مفتوح كو مفتوح كيلو الخايسي مفتوح non mais il est où le ha le ha il est où مفتوح لا سفخة vas-y هذا مفتاحي هذا مفتاحك هذا مفتاحه هذا مفتاحها au suivant هذا يدي هذا يدي هذا يد هذا يدك هذا يدك نعم هذا يده هذا يده هذا يدها نعم مش هذا سي هذه جاي مخبط لي انا بيرسوربي هذه يدي نعم نو سي بور ماما هذا يدي نعم هذا يدك هذا يده هذا يدها نعم On va finir cet exercice là. C'est facile, ça va. Iqra, li, laka, lahu, sinon laissez tailler pour samedi, comme ça on fera tout bien sûr. Les frères, lisez parce que vraiment on a fait presque rien du tout. Attends, attends.